01 Business avec Intrinsèque, l'infogérant sans demande pour la qualité de vie des DSI. BFM Radio, 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Frédéric Simotel. Bonsoir et bienvenue dans l'émission 01 Business, des sous pour l'économie numérique. Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui dans 01 Business sur BFM Radio. En juin dernier, Nicolas Sarkozy avait annoncé devant le Congrès la mise en place d'un grand emprunt national pour relancer les industries françaises. Quels investissements faut-il conduire dans le cadre du grand emprunt? Lesquels sont indispensables à la France pour rattraper son retard? Le numérique a-t-il ses chances pour figurer parmi les investissements choisis? En quoi les investissements dans le numérique sont-ils essentiels pour affronter les défis à venir de notre société? Voilà toutes les questions auxquelles nous allons répondre pendant une heure dans notre émission 01 Business sur BFM Radio. 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Uniquement sur BFM Radio. Et pour aborder avec nous ce soir sur BFM Radio ce thème de l'usage du futur grand emprunt national, je reçois trois invités. Notre premier invité est l'un des rapporteurs de la Commission des Finances. Il est auteur avec Olivier Dassault d'un rapport qui a prescrit l'emprunt il y a un an. On va en parler dans un instant. Il pilote aujourd'hui une mission parlementaire sur l'usage des technologies numériques dans le scolaire, dans l'enseignement scolaire. Il est député UMP des Yvelines, maire d'Elancourt. Jean-Michel Fourgousse, bonsoir. Bonsoir. Notre deuxième invité est un vice-président de la société de services Sopra, mais il est surtout avec nous ce soir au titre de président de Syntec Informatique et de l'organisation patronale qui défend les éditeurs et les SS2I, qui n'en finit plus d'interpeller le gouvernement pour clamer haut et fort l'importance des technologies de l'information. Jean Mounet, bonsoir. Bonsoir. Notre troisième invité, enfin, défend les intérêts des PME qui ont besoin des technologies, leur croissance passe par là. Nous recevons le président de la commission économie numérique de la CGPME, il est aussi président de l'ADEN, c'est l'association pour le développement de l'économie numérique en France. Olivier Midière, bonsoir. Bonsoir. Pour le coup de pouce à une start-up cette semaine, Élise Barbet, journaliste chez 01, aura en ligne Aurore Russo, PDG de la start-up Ludotique, spécialisée en ergonomie. On va savoir un peu plus sur ce qui se cache derrière ces termes. Élise Barbet viendra aussi nous parler dans sa chronique du lobbying intense des industriels de l'IT auprès du gouvernement. Voilà, ça va être dans tout le sommaire de cette émission. Et sans oublier Anis Mbida, journaliste chez 01 Informatique, qui nous accompagne tout au long de cette émission, avec qui nous allons démarrer dans un instant un premier tour du monde de l'actualité high-tech. Voilà, un sommaire très riche aujourd'hui dans 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Alors nous démarrons tout de suite notre émission avec vous, Anis Mbida, grand reporter à la rédaction de 01. Alors Anis, cette semaine, Oracle fait son grand show aux États-Unis et démarre en trombe avec des résultats de tests assez époustouflants. Il faut le souligner. Oui, des tests TPCC. Alors le test TPCC, c'est de la vitesse en transactionnelle, les transactions. Et ils arrivent à faire 7,7 millions de transactions par seconde. Et le précédent record est à 6 millions. Donc on fait 1 million de plus qu'avant. Ça, c'est le grand record. Mais surtout, la grande nouveauté d'OpenWorld, la grande messe d'utilisateurs Oracle, vous l'aurez pas oublié, Oracle est en train de racheter Sun actuellement, et le rachat est bloqué actuellement par la Commission européenne. Donc, la réédition, le PDG a plaidé la cause d'Oracle en disant demain on va raser gratis. Sun, c'est formidable, ils font des technologies extraordinaires et on va investir beaucoup plus dans Spark, dans Java, dans Solaris, donc, dans MySQL, toutes les technologies de Sun dont on imaginait qu'elles pourraient éventuellement disparaître avec le rachat. Ils ont même mis au défi l'industrie. Si vous arrivez à trouver une plateforme qui serait plus rapide que ma base de données, Oracle fait des bases de données qui tournent plus vite sur des serveurs, d'autres serveurs que les serveurs Sun, eh bien, on vous donne 10 millions de dollars. Donc, avis à tous ceux qui veulent gagner un peu d'argent. Si vous arrivez à faire tourner la base de données Oracle plus sur d'autres matériels que le matériel Sun, plus rapidement, deux fois plus rapidement, eh bien, vous allez gagner 10 millions de dollars. Pour gagner de l'argent, il y a le poker en ligne et puis il y a la base de données sur du Sun. En revanche, la réédition n'a toujours pas donné de réponse sur toutes les redondances qu'il y a actuellement entre Oracle et Sun, notamment tout ce qui est serveur d'application. Il y a BEA chez Oracle et il y a Glassfish chez Sun. Et pareil, du côté développement d'applications, on sait qu'il y a JDeveloper, c'est l'environnement de développement du côté Oracle. Il y a l'équivalent qui s'appelle NetBeans plutôt côté Sun. Donc il va falloir trier. Un peu c'est plus bien d'avoir de la performance, mais il va y avoir peut-être des dommages collatéraux quand même. Quand tout ce petit monde aura fini de discuter ensemble, on en saura peut-être un peu plus. Alors, autre nouvelle de la semaine, en sécurité, c'est une grosse semaine de mise à jour chez Microsoft et Adobe. Oui, les administrateurs le savent bien. Tous les deuxièmes mardis du mois, Adobe, Microsoft, Oracle et d'autres publie ce qu'on appelle les paquets de correctifs, les services packs, ils les rassemblent tous en une fois pour que les administrateurs n'aient qu'une journée sur lesquelles ils passent leur temps puis, sur les packs. Et mardi 12, c'était l'avalanche. Et mardi, c'était l'avalanche. C'est le plus 13. Gros pack de correctifs qui est jamais sorti par Microsoft. Ça concerne tous les produits Windows XP, Windows 7, Vista, Windows Server, .NET, Internet Explorer, Silverlight, Microsoft Office. Je pourrais lister comme ça. Il y a 13 bulletins de sécurité. C'est le maximum qu'on a jamais vu depuis 6 ans. 30 34 vulnérabilités, dont plusieurs qui sont notées comme urgentes. Donc souvent, si elles sont utilisées par des petits pirates, vous pouvez avoir votre système... Donc les administrateurs doivent être un peu... Là, un vrai casse-tête. Hein. C'est un vrai casse-tête pour eux, parce qu'il faut qu'ils sachent, ils ne peuvent pas tout mettre à jour en même temps, parce que ça peut casser, une mise à jour peut casser des choses qui fonctionnent bien. Donc il faut qu'ils trient dans toutes ces mises à jour, lesquelles sont urgentes, vraiment urgentes, à mettre, parce qu'ils ne pourront pas tout faire d'un coup. Et puis une news dont on n'entend pas beaucoup parler, hein, c'est les salariés d'Alcatel qui sont en grève, hein, depuis vendredi dernier, hein, c'est les informaticiens d'Alcatel-Lucent, ils sont en grève contre le projet d'externalisation de leur activité qui doit être regroupé dans une filiale qui s'appelle Alcanet, et ensuite transféré chez HP. Le mouvement est considéré comme assez dur selon les représentants syndicaux, parce qu'ils parlent de 200 à 300 grévistes sur un total de 260 salariés en France. Et donc, comme c'est une société de service, il y a un arrêt des activités et des interventions qui commencent à avoir des conséquences sur les activités d'Alcatel-Lucent en matière de service. Eh bien, on va suivre ça. Alors, un concurrent d'Alcatel, lui, qui se porte plutôt bien, c'est Cisco, qui vient de racheter aux États-Unis pour 2,9 milliards de dollars. On se souvient qu'il y a quelques semaines, il y a 15 jours, ils ont racheté une société Thunberg dans le monde de la visioconférence. Et là, ils rachètent une société qui s'appelle Starent Networks pour 2,9 milliards. On est dans la 4G, la mobilité. Oui, on est dans la mobilité. Hein. Donc, plus les réseaux cellulaires vont vite, et plus ça intéresse évidemment Cisco, qui est le roi du réseau. Il avait déjà pas mal investi dans le WiMAX. Hein. Vous savez, c'est ce Wi-Fi à très longue distance. Il s'intéresse maintenant au LTE. LTE, c'est la 4G, la quatrième génération de téléphonie portable. Le spécial du secteur, c'est donc Starlink Network. Ils font de l'infrastructure de cœur de réseau mobile qui permettent notamment de basculer très rapidement de la 3G à la 4G. Cisco arrive sur ce secteur. Il paraît que c'est un fournisseur de bouts de télécom en France. Donc on est quand même concerné quelque part ici sur notre territoire. On rappelle que LTE sera livré à partir de 2010 et on aura des débits en cellulaire de 20 mégabits. Alors, toujours dans les réseaux, il y a une nouvelle station WiMAX en Moselle. Hein. Oui, ça, c'est important pour le signaler. Aménagement du territoire, c'est peu précisément sur le pylône de Saulny. Hein. C'est la 126e station Wi-Fi WiMAX du département qui dispose aujourd'hui d'un espèce de réseau maillé de 6 mégabits dans les zones qui sont complètement inéligibles à la DSL. WiMAX n'est pas mort et on en reparlera peut-être dans le rentre-emprunt. Mais il y a aussi une dimension aménagement du territoire parce que tout le monde n'a pas accès à la DSL. Alors, on revient là plus dans nos parcs informatiques, en micro, donc micro-informatique, Dell qui surprend avec un PC deux fois plus fin que le MacBook Air, donc très léger. Alors. Exactement, 99 mm d'épaisseur, moins d'un centimètre, c'est deux fois plus fin qu'un MacBook Air. Alors, MacBook Air, il était un peu biseauté, hein. Il faisait 2 cm dans sa partie la plus épaisse, mais là, c'est assez épatant. Ça vient de Dell, ce qui est surprenant, Dell qui est plutôt considéré comme un suiveur. Ils avaient recruté l'équipe de design d'Apple, il y avait une histoire. Oui, il y a des designs, mais surtout, il y a une dizaine de jours, ils avaient déjà surpris tout le monde avec un PC qui se rechargeait sans fil par induction et qui est capable de se connecter à son écran externe sans fil. La récidive avec un ordinateur qui fait moins d'un centimètre d'épaisseur. Écran complet, un ordinateur portable, c'est-à-dire fermé, il fait moins d'un centimètre d'épaisseur. Regardez autour de vous, voyez-vous ce que ça fait un centimètre, vous verrez que c'est un peu compliqué à faire. Il va s'appeler l'Adamo XPS. Adamo XPS, on ne sait pas combien il va coûter, mais ça sera certainement très cher. Oui, ça va être plus cher que les NetPC et peut-être même que le MacBook Air. Alors, bureautique encore, là, on a les premiers détails sur Office 2010, donc la suite bureautique de Microsoft. Oui, alors Microsoft a décidé de frapper un grand coup pour sa suite. Hein. On va la voir partout. Tout d'abord, la grande nouveauté de Office 2010, c'est la version web, comme Google Docs ou Zoho. Elle sera gratuite. Et il y aura aussi une version starter qui va remplacer Works, Microsoft Works, qui sera certainement vendue, enfin qui sera certainement proposée avec tous les nouveaux ordinateurs. Et elle sera financée par la publicité. Donc il y aura une nouvelle version, entrée de gamme d'Office, financée par la publicité. On aura les bandeaux publicitaires dans Word et dans Excel. Et il y aura aussi une version... plus intéressant, une version virtualisée qui pourra démarrer depuis une clé USB. Donc on pourra avoir sur sa clé USB ou sur son petit disque dur à portable une suite Office qui marche directement en mode virtuel ou depuis le réseau. Printemps 2010, c'est ça ? Printemps 2010, et toujours avec le fameux ruban qui fait bouillir pas mal d'utilisateurs. Alors on reprochait à Perot System une coloration très américaine. Hein, Perot System, il y a une partie qui était rachetée par Dell. Oui, Perot System, c'est un service racheté par Dell. Et qui rachète Bearing Point China. Oui, c'est une société de conseil. On reprochait, donc, comme vous le disiez, de Perot System d'être américano-américain. Ils font leurs emplettes, ils s'étendent dans le conseil, ils s'étendent à l'international en Chine avant leur achat par Dell. Et puis plus près de chez nous, enfin pas si près finalement, mais c'est la Société Générale qui va étendre l'offshore de son informatique. C'est la dernière news du jour. Oui, on est toujours en service. Société Générale a une filiale qui s'appelle Global Solutions Centre, qui est à Bangalore en Inde. Cette filiale avait jusqu'ici 1 000 000 de personnes. L'effectif va passer jusqu'à 3 000 personnes à l'horizon 2012. L'idée, c'est d'être beaucoup plus sur le développement logiciel, l'externalisation de processus métier, le fameux BPO. Mais simplement, ça va avoir des répercussions sur les partenaires de la Société Générale. En Inde, Cap, Gemini, Wipro, TCS, les acteurs indiens. Donc si les fournisseurs français s'installent en Inde... On va faire bientôt une émission sur l'offshore. Là, je pense qu'on a besoin de ça sur BFM Radio. Merci à Nissim Bida, grand reporter à la rédaction de 01 pour ce tour du monde de l'actualité high-tech. On se retrouve tout de suite sur BFM Radio pour la suite de notre émission qui porte aujourd'hui sur l'usage du futur grand emprunt national. BFM Radio, 01 Business, Frédéric Simotel. Et nous démarrons tout de suite notre débat sur l'usage du futur grand emprunt national, avec vous, Jean-Michel Fourgous. Vous êtes, je l'ai dit, député des Yvelines, maire d'Elancourt. Vous avez justement à votre actif quelques exemples du bon usage des technologies de l'information dans l'éducation, notamment. On en parlera avec vous au sein de ce que vous avez mené à la mairie d'Elancourt. Ma première question porte plus sur ce grand emprunt, parce que vous en êtes quelque part à l'origine, parce que vous aviez fait, c'était il y a un an, un rapport avec Olivier Dassault, un rapport qui s'appelle « Sortie de crise, capitalisme et fonds souverains ». Et vous avez fait un tour du monde, enfin, c'est assez colossal le travail que vous avez mené pour arriver à ce grand emprunt. Vous en êtes vraiment à l'origine, on peut le dire aujourd'hui ? Oui, en pleine crise, on a été envoyé pour aller voir les acteurs financiers dans le monde qui vivaient une crise grave. Il y a les fonds souverains dans le monde avaient perdu 600 milliards de dollars. Vous imaginez l'ambiance. Donc, bien sûr, tous ces gens-là, je ne sais pas, par exemple, Aldia à Abu Dhabi, ils ont 850 milliards de dollars à gérer. Bon, ils ont, quand vous les rencontrez, ils ont un réseau d'acteurs financiers d'information très pointu. Quand vous investissez des sommes pareilles, vous avez des réseaux de compétences très pointus. Donc, on a fait la tournée comme ça. On est allé en Norvège, à Singapour, aux États-Unis. Et on a recueilli très vite, d'abord, premier enseignement, que l'ensemble des fonds, des actifs financiers dans le monde, c'était environ 200 000 milliards de dollars. Donc on n'avait jamais obtenu ce chiffre à l'époque. Et on a obtenu un deuxième chiffre, c'est la somme des actifs toxiques, qui en fait n'était que d'environ 3 000 milliards de dollars. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'en fait on découvrait 3 000 à 4 000 milliards de dollars. C'est-à-dire que on découvrait pour la première fois que les actifs, les fameux actifs toxiques, ce n'était jamais que 2% de l'ensemble des actifs. Et cette information qui était donnée juste avant le G20 et qui était donnée également à beaucoup d'organismes, donc a déjà modifié un petit peu la donne, puisque ça a un peu remis un peu de raison dans la désorganisation émotionnelle sur ces fameux actifs financiers. Et deuxièmement, ensuite, quand on a vu le niveau d'épargne en France, qui est un des plus importants du monde, c'est là où on s'est dit cette épargne est mal investie, donc c'est là où on a proposé de redéployer cette énorme épargne sur les actifs productifs de richesse en France, donc de bien mettre l'épargne française à la disposition du développement économique et de l'emploi. Et c'est comme ça qu'on a sorti, avec Olivier Dassault, la proposition de créer cet emprunt environ de 100 milliards qu'on visait. Maintenant, il y a des avis divergents là-dessus, convergents. Bon, et c'est en débat au Parlement. On va en parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je me tourne vers vous, Jean Mounet, de Syntec Informatique. Donc la Syntec, en quelque sorte, c'est la chambre professionnelle, un des SS2I, des éditeurs. Alors, vous êtes également vice-président de Sopra Group, une SS2I, une des premières SS2I en France. Alors, vous plaidez évidemment la cause du numérique pour le grand emprunt. Et alors, lors du séminaire sur le numérique qui s'est tenu le 10 septembre avec Nathalie Kosciusko-Morizet, vous avez émis plusieurs propositions. Il y a une dizaine, plus exactement. Pouvez-vous nous rappeler en gros Alors, écoutez, prendre les plus importantes, ou celles que vous aimeriez voir tout de suite opérationnelles. Je vais être un peu iconoclaste, si vous le permettez, Frédéric. Hein, parce que je crois que les propositions, il y en a partout, de très bonnes propositions, et cela depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je crois que ce qui est important, c'est maintenant d'implémenter, de décider, d'exécuter, d'implémenter. Et un ami anglo-saxon me disait, pas plus tard qu'il y a 15 jours, en France, vous avez des idées, mais vous n'avez pas de suite dans les idées. C'est-à-dire qu'on a de très bons concepts, de très bonnes idées, mais au fond, on a l'impression que le déploiement, l'exécution, la qualité de l'exécution n'intéresse personne. Alors, je vais prendre trois exemples très rapides. Puisque M. Fourgous est là, je vais commencer par celui-là. On a lancé les écoles numériques rurales. Très bonne initiative, qui marche bien. Je crois qu'il n'est pas utile de se poser des questions pendant des semaines ou des mois. pour dire il faut généraliser ça à l'ensemble des écoles. Et on va en reparler de toute façon. On va en parler tout à l'heure. Donc je n'insisterai pas là-dessus. Mais c'est un exemple de très bonne idée. Et cette idée, il faut la déployer. Quand une idée marche bien, il faut la déployer à fond. Alors, deuxième idée. Alors, la deuxième idée, je vais vous couper un instant, Jean. Oui, je vous en prie. On va se retrouver dans un instant sur BFM Radio pour parler de l'usage du grand futur et pour reparler de ces idées-là, parce qu'on est un peu pressé par le temps. Voilà, à tout de suite. BFM Radio, 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Frédéric Simotel. De retour avec nos invités pour parler de cet usage, ce grand emprunt national du numérique. Nous étions à l'instant avec Jean Mounet, président de Syntac Informatique. Alors, je vous ai interrompu, Jean. Vous disiez qu'il y a trois idées qu'il faut mettre en œuvre. La première, ça concerne mettre le numérique au sein des écoles, de l'enseignement scolaire, des écoles rurales. Et on va en reparler dans un instant avec Jean-Michel Fourgous, qui est le député des Yvelines et maire d'Elancourt, qui a son expérience aussi dans sa circonscription. Et alors, vous aviez deux autres points très concrets. Il y a une autre idée qui est agitée depuis longtemps et qui est une très bonne idée, c'est tout ce qui tourne autour d'édition de logiciels. L'édition de logiciels, c'est un secteur stratégique dans le monde du numérique. Plusieurs organisations, dont la mienne, depuis longtemps, depuis de nombreux mois, disent il faut développer le financement des éditeurs de logiciels, en particulier des petits et des moyens éditeurs. La France a 2500 petits éditeurs de logiciels. 2500, c'est considérable. Et tout le monde, finalement, est d'accord pour dire il faut créer un fonds spécifique. Alors après, les méthodes peuvent changer. Ça peut être une partie spécifique du FSI, ça peut être un FCPI particulier, ça peut être ce qu'on avait appelé, nous, les SOFICIEL, puisque on avait fait les SOFICA, le gouvernement a fait les SOFICA pour l'audiovisuel. Peu importe. Ce qui est important, c'est qu'on est tous d'accord sur une idée, mais il faut passer à l'acte. Il faut passer à l'acte, il faut passer à l'action. Et puis la troisième idée, tout le monde est d'accord également pour dire qu'en matière de compétitivité, les entreprises françaises, en particulier ce qu'on appelle les ETI, entreprises moyennes ou les petites, manquent d'investissement en matière de, notamment d'e-business, en matière d'ERP, etc. C'est-à-dire qu'elles sont moins équipées que leurs collègues allemands. C'est les logiciels de compta, de finance. Voilà, exactement. Ça, voilà. Elles sont moins équipées que leurs homologues allemands ou anglais sur tout ça. Il y a un programme qui existe et qui tourne très bien, qui est le programme TIC PME, qui a été lancé il y a trois ans peut-être, si je me souviens bien, par Thierry Breton à l'époque, lorsqu'il était ministre. Et ce programme, il vient de faire l'objet d'une évaluation. On voit qu'il manque de moyens pour continuer, pour s'accélérer. C'est une très bonne idée, c'est un très bon principe, ça marche bien. C'est l'organisation par grandes filières économiques, le meuble, la pharmacie, l'aéronautique, etc., de liens e-business d'une entreprise d'honneur d'ordre à tous ses sous-traitants. Efficace. Votre message, c'est de dire qu'il y a déjà des choses qui existent. Il faut mettre le paquet dessus, plutôt que de réinventer l'eau chaude à chaque fois. Mettons le paquet dessus, déployons ce qui marche bien. Alors, je me tourne vers vous, Olivier Midière. Donc, je rappelle, vous êtes président de l'ADEN, qui est l'Association pour le développement de l'économie numérique en France. Mais vous intervenez aussi ce soir en tant que président de la commission économie numérique de la CGPME, c'est la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Alors, un mot sur votre mission, et puis je pense que vous abondez dans le sens de ce que dit Jean, notamment pour le côté e-business des PME, non ? Absolument, tout à fait. Donc, la Commission économie numérique de la CGPME, justement, est destinée à renforcer la croissance, l'innovation et la compétitivité des PME-PMI françaises par les nouvelles technologies. Croissance, c'est favoriser surtout la croissance des PME-PMI évoluant dans les secteurs de valeur ajoutée technologique en France, industrie du logiciel, industrie informatique, industrie des télécommunications, etc. L'innovation, c'est développer la capacité d'innovation des PME-PMI françaises traditionnelles, évoluant dans les secteurs traditionnels grâce au transfert de technologies et grâce à des cadres méthodologiques, financiers et réglementaires adaptés. Puis enfin, la compétitivité, bien, c'est le sujet qu'on abordait précédemment, c'est améliorer la compétitivité des PME-PMI françaises en renforçant la diffusion des technologies de l'information et des bonnes pratiques numériques dans l'ensemble de notre tissu industriel. Voilà, donc il y a plusieurs voies. Il y a bien celle des PME innovantes qui elles-mêmes sont source de technologies, donc il faut les aider, il faut qu'elles ouvrent les portes. Libérer leurs énergies. Voilà, libérer leurs énergies. Que les grandes entreprises leur ouvrent la porte, que l'État leur ouvre la porte, enfin que des grands contrats leur ouvrent la porte. Et puis il y a les PME dans le bâtiment, dans un peu tous les domaines, qui elles doivent faire appel aux nouvelles technologies, voilà, pour se développer. Là, il y a de vrais leviers de croissance. Absolument, tout à fait. Je résume un peu. Alors je me tourne vers vous, Jean-Michel Fourgous. Donc vous nous avez décrit tout à l'heure comment vous aviez fait ce tour du monde, voir toutes ces capacités d'investissement. Et vous êtes rendu compte qu'il y avait donc ces capacités d'investissement en France, d'où le lancement de cette idée de grand emprunt. Donc vous êtes à l'origine l'usine avec Olivier Dassault. Alors, la commission Rocard-Juppé doit rendre un rapport, je crois que c'est début novembre, hein, qu'ils doivent donner, pour identifier les dépenses, tout ça. C'est pas un peu court, tout ça, enfin, ou alors le travail, parce que je rappelle, votre rapport est sorti il y a un an déjà. J'imagine que la commission, il y a beaucoup de travaux qui doivent s'appuyer dessus, mais voilà, est-ce qu'on va avoir le temps? Alors, cette préconisation est sortie il y a un an, mais le rapport est sorti donc avant les vacances. Mm-hmm. La question, c'est quels sont les secteurs d'excellence qu'on doit financer. Et c'est là, bien sûr, où le Parlement, il y a tout un débat. Ceux qu'on avait identifiés, c'était l'énergie, qui est un secteur extrêmement stratégique pour tous les pays, où la France est quand même très bonne, que ce soit le nucléaire, que ce soit Total, que ce soit... l'environnement, bien sûr, où on a des entreprises d'environnement qui sont leaders mondiales. Donc, faut d'abord pousser les gens qui montent. Faut pas non plus lâcher les gens qui tombent, mais faut en ce moment pousser les gens qui montent. Donc les transports aéronautiques, on est numéro un mondial. Je rappelle que EDF est devant Boeing, Dassault est en aviation d'affaires numéro un mondial. Enfin, le maritime, le ferroviaire, donc en transport très fort. Défense et sécurité, il y a un marché de 250 milliards à 10% de croissance. Faut y aller, on est bon. On a d'excellentes entreprises de défense et de sécurité en France. Donc faut pousser, investir de façon productive là-dessus. La santé, l'éducation, bien sûr, mais vous en avez parlé, le président de Syntec rappelait tout à l'heure, bien sûr, le fait que la France est en retard sur l'utilisation du numérique dans l'école, et c'est quand même former les ingénieurs, les techniciens de demain. C'est l'avenir, c'est quand même nos jeunes, il faut qu'ils soient le plus performants dans une société du numérique, parce que la civilisation, la vraie fracture, elle est là. Est-ce que vous êtes rentré dans la civilisation numérique ou pas? C'est ça la variable explicative aussi de la réussite aujourd'hui. Donc l'éducation doit être très forte. Ensuite, les banques et assurances, on est dans les leaders mondiaux. Je vous rappelle que 3 banques françaises sont les 15 premières mondiales. Et puis, bien sûr, tout ce qui est biologie, biotechnologie, agroalimentaire, aussi, on est très bon. La grande distribution. Et puis, dernier point important, l'économie de la connaissance, enfin, tout ce qui est le numérique. Je vous rappelle que le numérique est classé actuellement par la Commission de Bruxelles comme expliquant 50% de la croissance mondiale. Donc, quand vous avez cette information, il n'y a plus d'hésitation, il n'y a pas de débat, on arrête les colloques, on y va. Même chose sur le global, donc l'éthique dans l'économie globale, et bien sûr dans l'éducation. Et dernier point, les PME, pour reprendre ce que disait notre collègue, bien sûr qu'il faut mettre de l'argent sur les entreprises qui ont un fort potentiel de croissance. Il y a un manque de fonds propres, de capitaux dans en France. On a vu d'ailleurs que la crise a montré, dans notre enquête, on l'a vu, la première matière première aujourd'hui, ce n'est plus le pétrole, c'est le capital. Donc il faut savoir aller le chercher, il faut savoir l'orienter, il faut savoir le mettre sur les secteurs, les PME qui ont une forte potentiel. Et puis il faut savoir l'investir aussi quelque part à long terme aussi. Il ne faut pas vouloir forcément des revenus, enfin des retours sur investissement un peu rapides. Alors le clin d'œil de cet emprunt, c'est bien sûr les chantiers de la venir. Donc on ne réfléchit pas à 6 mois. C'est pour ça que Nicolas Sarkozy s'est donné le temps de mettre tout le monde, tous les acteurs là-dedans, de la gauche, la droite, le Parlement, les experts. On s'est donné que 6 mois, 1 an pour sortir. Parce qu'en fait, il s'agit quand même d'un emprunt qui va aller de quelques dizaines de milliards à près de 100 milliards. Quand on injecte ça, il s'agit de ne pas se tromper sur bien avoir repéré les pôles d'excellence que vous avez qui sont des multiplicateurs, bien sûr, de richesses, d'emplois marchands pour demain. Wanis Emida, pardon, de 01. Oui, non, moi ce qui me fascine avec ce genre de choses, c'est qu'on a toujours des très grands discours en disant le numérique c'est formidable, le numérique c'est bien, et puis après on retombe sur des choses très terre-à-terre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Jean Monnet, c'est qu'on est à l'épreuve du feu après, on veut se mettre à l'épreuve du feu. Je vais donner un exemple, on dit que le numérique c'est formidable, on dit qu'il faut qu'il y ait un Google français ou un Microsoft français, et pourquoi il n'y a pas un Google français, un Microsoft français, c'est que les entreprises, et là on ne parle pas d'emprunt, c'est que les entreprises en général en France ont du mal à passer du stade de la PME à la stade de la grosse entreprise. Est-ce qu'un emprunt peut régler ce problème? Je n'en sais rien. On parle beaucoup de logiciels en disant que le logiciel aussi, on voit des gens comme Google. Google, c'est une société de logiciels. Le problème qu'a la France, c'est que la France, quand on est numéro 1 en France, on est un tout petit acteur mondial. Comment faire en sorte que les leaders français puissent devenir des leaders européens et des leaders mondiaux? Est-ce que l'emprunt va répondre à ces questions-là? Donc il faut aussi utiliser l'emprunt pour pouvoir régler des problèmes qui sont des problèmes de fond qui existent pour le numérique et pour la France, qui sont comment une entreprise passe de petite à grande et comment une entreprise qui est nationale devient européen leader mondial. Alors, je sais pas, Jean-Michel Fournier, il y a 1000 entreprises, pour reprendre ce que vous dites qui est très bien, il y a 1000 entreprises, 1000 PME à cibler pour qu'elles deviennent de moyenne à grande entreprise. Il y a un potentiel extraordinaire en France, il y a du talent dans ce pays. Alors, Olivier Miguière de la commission numérique CGPME, alors, vous, il y a des secteurs prioritaires que vous avez repérés, ou alors même par rapport à ce que disait Anissé, voilà, vers où Oui, mais il faut avant tout parler d'une démarche. On a d'abord adopté une démarche pour essayer de définir des secteurs prioritaires, et on ne les sort pas du chapeau comme ça. Je crois que la première démarche, c'est à la CGPME, notre grande ambition autour du grand emprunt, et on en a fait part à la commission, hein, que nous avons rencontré, donc messieurs Juppé et Rocard, mais également au ministre des Affaires sociales, monsieur Darcos, et également monsieur Woerth, que nous avons rencontré également dans le cadre des consultations du gouvernement. C'est avant tout mettre le grand emprunt au service d'une nouvelle politique industrielle pour la France, articulée à la fois autour des ruptures technologiques des 10 à 20 prochaines années et des marchés du futur. Alors, c'est autour de quoi ? C'est l'Internet des objets ? Alors, c'est les communications mobiles ? Là, vous êtes sur des segments, sur des petits secteurs. Aujourd'hui, on est vraiment sur l'identification d'abord, au regard des grands enjeux environnementaux et sociétaux que nos sociétés et notre économie va devoir affronter là dans les tout prochaines années. On les connaît, on les a identifiés. Quels sont les marchés qui vont émerger de ces besoins et de ces enjeux ? C'est-à-dire que les secteurs dans lesquels on va investir, ils doivent pouvoir répondre de façon beaucoup plus compétitive, concurrentielle, sur des marchés. Donc il faut d'abord identifier des marchés. C'est ce que nous avons essayé de faire, et ensuite de cibler les secteurs qui vont être à la base des innovations qui vont permettre d'avoir un effet d'entraînement sur le reste de l'économie pour attaquer ces marchés et pour être bien positionnés. Et alors ces marchés, quels sont-ils ? Je vous donne des exemples, puisqu'on pourra en citer un certain nombre, mais le marché de la e-santé, par exemple, en France, est un vrai marché avec de grands enjeux internationaux. La CGPME propose d'investir ces 4 milliards sur 4 ans. Oui, 4 milliards sur 4 ans. Alors, c'est la CGPME, c'est également sur la base de toutes les fédérations et syndicats qui travaillent dans ces domaines et avec qui on a travaillé pour évaluer ces montants. Le but, c'est surtout de mettre tous les acteurs autour de la table, de prendre des décision, de mettre un programme d'action, d'engager ou de renforcer les programmes en cours. On parle de la dématérialisation du dossier médical personnalisé depuis quand même 4 ou 5 ans dans notre pays. Je crois que si on accélérait les choses dans ce domaine-là, ça irait mieux. Mais il y a d'autres marchés. Je vais les interrompre juste dedans, parce que je crois que Jean Mounet, vous, sur cette partie télémédecine, où vous êtes, on va ouvrir juste une parenthèse un instant sur ce problème de l'e-santé. Télémédecine, vous, si vous pensez, oui, c'est vrai que le dossier médical personnalisé, on en parle depuis 5 ans. Il faut bouger à ce niveau-là. Et comment ? Je crois que dans le cadre de ce grand emprunt, il faut qu'on pense effectivement à des grands projets sociétaux. Ce que j'appelle les grands projets sociétaux, c'est des grands projets qui concernent les hommes, leur vie, leurs enfants, l'avenir de la France, des grands enjeux financiers aussi, parce que quand on parle de santé, les enjeux financiers derrière sont pas minces. Et dans ces grands enjeux sociétaux, nous, on a vu de manière évidente l'éducation, la santé, et puis ce que j'appellerais le vert. Tout ce qui est green, et qui nous semble des grands projets d'avenir. Concernant la santé, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, je sais que Pierre Lasbordes, qui est député de la majorité, est en train de mener une étude importante là-dessus pour donner des orientations. Je crois que c'est effectivement quelque chose d'essentiel. Le DMP, c'est une chose. Le poste de travail du professionnel de santé, c'est une autre chose. L'interopérabilité des systèmes de santé, c'est une troisième chose. Le télédiagnostic, etc. Il y a plein de choses. Et c'est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental, je pense, dans les grands projets sociétaux. Rendez-vous tout de suite pour la seconde partie de 01 Business. On se retrouve après le journal de l'économie avec tous nos invités pour continuer à parler de ces technologies numériques. BFM Radio, 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Frédéric Simotel. On se retrouve sur BFM Radio avec nos invités pour parler de l'usage du futur grand emprunt national avec Jean-Michel Fourvous, député des Yvelines, maire d'Elancourt, Jean Mounet, président de Satac Informatique, et Olivier Miguière, président de la commission économie numérique de la CGPME, et avec Anissé Mbida, journaliste à la rédaction de 01. Alors, on a parlé à l'instant des potentiels pour les PME, on a parlé du domaine de l'e-santé. Qu'est-ce qu'il y a comme autre domaine, Olivier Midière, la CGPME. Aujourd'hui, on a identifié également un marché extrêmement porteur sur lequel la France a beaucoup d'atouts, c'est celui de la confiance et de la sécurité dans les échanges dématérialisés. Si vous voulez, dans l'éducation, le judiciaire, la santé, la culture, le commerce, dématérialiser les échanges des acteurs, il va falloir les sécuriser. Et ça, aujourd'hui, en France, on bénéficie d'un écosystème extrêmement performant avec des leaders mondiaux, comme Gemalto, Gemplus, Thales, Oberture, et une kyrielle de sociétés innovantes dans le domaine du logiciel, ceux qui ont beaucoup d'avance et qui peuvent, dans tous les domaines de la sécurisation aujourd'hui et dans le monde entier, conquérir des marchés. On a enfin l'éco-responsabilité et le Green IT qui, en effet, constituent également des potentiels de marché très importants sur lesquels la France, tant dans les domaines logiciels que dans les domaines des équipements et des solutions, a là encore beaucoup d'avance et peut donc fabriquer des leaders mondiaux. Donc voilà, on a plusieurs accès. Anis Mbida, oui, de Zéro Infantique. Il y a un secteur que vous oubliez, c'est le secteur du mobile où les Européens et les Français sont quand même très très forts et qui est aussi un secteur d'avenir. Et tout ce qui est développement sur les mobiles, le multimédia mobile, on ne peut pas dire que ce n'est pas un projet d'avenir, ça, qu'il n'y a pas des choses à faire là-dessus. Non, mais je pense que ça, de façon organique, les Français se sont très bien positionnés, qu'aujourd'hui on a, surtout dans le domaine des applications, donc dans le développement logiciel embarqué et mobilité, des entreprises extrêmement performantes, il n'y a pas nécessité d'investir pour développer des marchés. Il n'y a plus rien à faire. Non, ce n'est pas ça, c'est que les marchés se développent de façon organique et qu'on n'a pas aujourd'hui, par rapport aux 20 prochaines années, à investir de l'argent dans ce marché. En tout cas, c'est notre conception à nous. On souhaite aujourd'hui que cet emprunt serve à finalement faire amorcer la demande et l'offre sur des marchés qui sont des marchés d'avenir. Le marché de la mobilité est un marché qui fonctionne déjà aujourd'hui, sur lequel on est très performant. Je ne vois pas pourquoi on irait mettre de l'argent. D'ailleurs, on en met, mais c'est de l'argent de fonctionnement. Orange, Bouygues vous écoute et vous entende. Alors, il y a un autre sujet, on en a parlé rapidement. Moi, j'aimerais qu'on revienne dessus sur ce thème de l'éducation. Alors, c'est vrai qu'en France, on n'a aucun pôle vraiment universitaire qui reprenne totalement, enfin un pôle universitaire d'excellence dans le domaine du numérique. Alors, est-ce qu'on, là-dessus, il faut faire quelque chose, enfin, Jean Mounet? Oui, je crois que ça fait, enfin je crois, je suis même sûr que ça fait partie. Je poserai ensuite la question sur la filière justement. Oui, ça fait partie de nos demandes hein, dans le cadre du Grand Emprunt, c'est de créer une sorte de Silicon Valley à la française, tout en étant très modeste. Avec en regroupant des choses qui existent déjà, des choses qui existent déjà. Le projet Saclay, par exemple, est un projet qui est déjà bien monté. On pense qu'il serait intéressant d'avoir effectivement de regrouper la recherche publique, la recherche privée, une grande école dédiée au numérique. Alors qu'on a des grandes écoles dédiées aux télécoms en France, qui sont très brillantes, on n'a pas de vraies grandes écoles dédiées au logiciel, par exemple, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays. Et quand on parle logiciel, il faut bien comprendre qu'on parle logiciel du développement, mais on parle aussi du marketing. Oui, tout c'est tout, absolument, pas seulement la technique. Tout l'ensemble. On nous dit souvent qu'on a de très bons développeurs de logiciels, mais qu'on n'a pas le marketing industriel qui va avec. Bon, mais ça pourrait faire l'objet d'une grande école autour du logiciel. Alors Jean-Michel Fourroux, cette idée de grande école, et puis ensuite on va parler de votre exemple. Excellente remarque de président du Syntec, c'est que bien sûr, il y a près de 200 000 emplois à créer en France sur l'industrie l'industrie de services informatiques et donc là il faut revoir bien sûr notre programmation des formations. Il faut très vite, déjà dès l'année prochaine on aura un problème, on aura 5 à 6 000 voire 8 000 personnes, 8 000 postes qu'on ne pourra pas pourvoir parce qu'on n'a pas prévu, donc il faut vraiment accélérer à tout ça. Deuxièmement, je voulais dire que dans les secteurs dont vous avez parlé tout à l'heure, bien sûr que l'éducation, ce qui sortait beaucoup dans l'enquête qu'on a fait dans le monde, c'est l'éducation et la santé. Deux domaines qui s'adressent à 6 milliards et demi d'individus. Donc quand vous faites des produits, vous savez en plus que vous avez un marché énorme. Donc il est évident que là, on est devant une vraie révolution. Alors, la transformation dans l'éducation de l'arrivée du numérique, c'est extraordinaire. Extraordinaire au niveau des enseignants, mais ce dire, on va peut-être venir... Justement, c'est ça, parce qu'on a... c'est le Matignon qui vous a demandé à vous, Jean-Michel Fourrouz, donc de réfléchir sur les nouvelles technologies à l'école. Hein. En Europe, il faut savoir que la France est au 24e rang sur 27 pays pour l'équipement numérique dans les écoles, donc un sacré retard. Et donc aujourd'hui, vous travaillez... Enfin, déjà, comment vous expliquez ce retard, et puis comment vous essayez de le combler, et puis donnez-nous cet exemple, j'en parle depuis tout à l'heure, mais ce que vous avez mis en place à la mairie d'Alencourt. Alors d'abord, moi je suis un ancien ingénieur de recherche de l'éducation nationale, donc j'ai cette culture, il y a aussi ce problème de culture de l'innovation, donc je me suis pas forcé, dès que j'ai été élu maire, j'ai commencé à faire les premières expériences, et puis ensuite, le ministère de la Recherche, notamment Valérie Pécresse, m'a donné un accélérateur quand elle a vu qu'on y allait, donc on a eu des moyens accélérés pour tester, on a transformé la ville d'Elancourt, quasiment laboratoire de recherche pour l'éducation, et effectivement aujourd'hui, vous n'avez plus de tableau noir. Vous avez connu avec la CRE, vous n'avez que des tableaux interactifs. Les enseignants donc, ont des cours de formation quand même d'un nouveau prototype. Oui, parce qu'on parle des élèves, il y a les enseignants aussi. C'est une vraie transformation. Vous transformez d'une part le contenu, puisque le contenu se transforme. Vous transformez également le temps scolaire. On n'apprend pas seulement à l'école, on apprend après l'école aussi. C'est complètement le soutien scolaire. Tout se fait avec Internet, avec le numérique. Enfin, c'est une vraie transformation. Également, l'évaluation des élèves, ça se fait. Vous pouvez faire une interrogation écrite en deux minutes. Et vous voyez tout de suite ceux qui ont décroché, ceux qui n'ont pas compris. Donc on est dans un autre monde, c'est que il y a le même rapport entre la bougie et l'électricité, vous voyez. Voilà, donc c'est vraiment un changement d'époque. La civilisation du numérique, elle est partie, elle rentre à l'éducation, elle accélère tout. Les enseignants suivent, c'est extraordinaire. Il y a eu quelques réserves au début, mais aujourd'hui c'est parti. Il y a toujours, si vous voulez, quelques pourcents qui sont un petit peu, qui montrent un petit peu de défiance, mais c'est une vraie révolution. Je peux vous dire, c'est pour la productivité scolaire qui était moyenne, parce que l'étude PISA, vous la connaissez tous, elle nous donnait pas dans des scores très favorables. Donc, bien sûr, c'est le moyen, c'est l'objectif de remettre la France à un niveau de compétitivité scolaire qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Anis Emida. Oui, il y a énormément de travail sur ce point-là, parce que vous savez, la semaine dernière, on parlait du débat d'interdire les téléphones portables à l'école, alors qu'aux États-Unis, on est en train dans certaines universités, on oblige quasiment les étudiants à avoir certains types de téléphones portables, parce qu'on peut faire des tests en temps réel, on peut envoyer des cours sur podcast, on va sur iTunes. Aujourd'hui, on a des cours d'une université qui sont disponibles directement sur les plateformes. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail à faire de ce côté-là. On se rappelle qu'en France, on a eu quand même le plan informatique pour tous, on a eu le plan câble, on a eu des tas de plans qui n'ont pas servi à grand-chose, et on va voir si ce plan-ci, celui-là, sera utile. Profitons de vous avoir aujourd'hui sur BFM Radio, Jean-Michel Fourgousse. Justement, vous êtes en charge d'une mission parlementaire sur les technologies numériques pour les scolaires. On l'a compris, il y a un problème culturel, donc il faut s'habituer à travailler avec tous ces outils, que ce soit du côté des enseignants, côté des élèves, mais il y a un problème de moyens aussi. Combien ça peut coûter tout ça? Vous avez déjà fait une évaluation pour les écoles? On est de l'ordre du milliard, non? Enfin, voilà, mais on l'a dit d'ailleurs, on est de l'ordre du milliard d'euros, hors réseau, attention, parce qu'avant, si vous voulez que tout ça marche, vous avez intérêt à la fibre optique, donc attention, il faut résoudre ça. Et là, il faut 4 ou 6 milliards, c'est ça? Il faut qu'il y ait plusieurs partenaires, mais la part de l'État peut être de 4, 5, 10 milliards maximum. Après, il y a d'autres acteurs, mais le plan est de 40 milliards, mais je veux dire que la contribution de l'État peut être de 5 à 10 milliards. Mais là effectivement, il faut passer au très haut débit, parce que ne serait-ce qu'on le voit à Elancourt, quand on apprend l'anglais par visioconférence avec un prof aux États-Unis ou en Angleterre, avec l'accent. Parce qu'ici, si vous parlez anglais, il faut le parler avec l'accent. Hein. Bon. Donc, il faut bien. Toutes ces techniques, bien sûr, demandent de plus en plus le très haut débit. Donc, ça, il faut le résoudre. Les techniques, ça ne coûte pas fortement cher. C'est de l'ordre du milliard d'euros. Et ensuite, derrière, il faut créer l'industrie de services informatiques. Parce que les enseignants, pour réussir, ils ont besoin d'avoir des réseaux avec une bonne maintenance. Ils ont besoin que tout ça fonctionne. Et il faut accompagner le changement. Il y a toute une industrie d'accompagnement de changement, de services à créer pour vraiment réussir cette accélération que souhaitent Nicolas Sarkozy, François Fillon et puis Luc Chatel, qui est très bien parti et qui est très bien vécu d'ailleurs par les enseignants. Et là aujourd'hui, donc c'est à Elancourt, c'est déjà étendu à d'autres villes. Vous avez Bois d'Arcy, enfin, vous avez tout un tas de villes dans votre circonscription en tant que député. Ah oui, non, mais sur Trappes, d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, c'est les villes qui ont les classes ou les écoles qui étaient le plus sensibles, qui avaient le plus de difficultés en échec scolaire, qui en fait raccrochent. Et ça, c'est extraordinaire. Le môme qui irait Henri IV, ça changera pas. Enfin, un petit peu, il améliorera. Mais là, la progression, elle est extraordinaire sur les enfants qui étaient en difficulté parce que c'est leur culture. La génération numérique, ils en sont. Et je peux vous dire, dès que vous leur mettez, plutôt que de l'écrit, vous leur mettez du son, des images et tous les produits du multimédia, vous faites raccrocher, vous reprenez du plaisir. Les profs le disent, ils reprennent du plaisir. Et en plus, le prof, quand il voit que les enfants sont plus concentrés, c'est très valorisant d'avoir des enfants qui se concentrent. Il aurait peut-être fallu parler plus de cela boule de neige est très positive. Voilà, il aurait peut-être fallu mettre plus ça en avant que les 2000 euros dont on a beaucoup parlé il y a quelques semaines à donner aux élèves. Je pense qu'il y a cet effet-là. Jean Mounet de Syntac Informatique, quand vous parliez tout à l'heure de cette école rurale numérique, voilà, vous rejoignez parfaitement ce que dit absolument. Jean-Michel Fourgousse. Absolument. Je crois que la manière dont ça a été pris, c'est-à-dire combiner l'équipement, mais pas seulement l'équipement, mais tout l'accompagnement, la formation, les logiciels didactiques, les logiciels pédagogiques, c'est cet ensemble qui fait que c'est un succès. Et je crois que là, on a vraiment pris la charrue par le bon bout et qu'il faut généraliser ça, non seulement aux écoles rurales, mais à l'ensemble des écoles primaires d'abord. Donc voilà, et puis donc ensuite, collège, etc. Un élément dans cette partie. Et les résultats Elancourt sont nettement supérieurs à la moyenne nationale maintenant. Donc c'est quand même. Ça y est, c'est parti. Ouais, et donc c'est étendu à d'autres villes. Alors, on va se retrouver dans un instant sur BFM Radio avec nos invités pour continuer à parler de cet usage du futur grand emprunt. Je voudrais qu'on redonne la parole aussi à Olivier Millière pour reparler de ces PME et tout ce qu'il faut faire pour ces PME. Mais là, tout de suite, on va retrouver Élise Barbet, journaliste à la rédaction de 01, pour notre coup de pouce à une start-up. BFM Radio, 01 Business, Frédéric Simotel. Alors, Élise Barbet, bonjour. Vous êtes journaliste à la rédaction de Zéro Informatique. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, oui, pardon. Alors, c'est notre séquence coup de pouce à une start-up. Élise, vous avez en ligne Aurore Russo. Elle est PDG de Ludotique, une start-up spécialisée dans le conseil en ergonomie. Alors, il faut nous en dire un peu plus. Hein. C'est ça. Alors, Ludotique, c'est un cabinet de conseil en ergonomie dans les nouvelles technologies. Aurore Russo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes PDG de Ludotique et vous vous occupez en particulier de l'ergonomie dans le secteur du jeu vidéo, une niche où la technologie est moins employée. Alors expliquez-nous en quoi ça consiste. Oui, tout à fait. Donc effectivement, on est un cabinet de conseil en ergonomie multimédia, ce qui est très simplement, on se positionne entre les utilisateurs et les créateurs des logiciels, tout type d'interface donc. Et le but étant de simplifier au maximum les interfaces pour que n'importe quelle personne puisse utiliser ce produit d'une façon simple et intuitive. Dans le secteur du jeu vidéo, donc pour vous donner un exemple concret, si on prend un jeu de sport, par exemple de course de voiture, l'utilisateur, de quoi est-ce qu'il a besoin pour jouer de façon simple et passionnément? Il a besoin de savoir toujours où est-ce qu'il se trouve par rapport à la piste, quel sera le nouveau virage, sa rapidité, la marche qu'il a, et aussi savoir où est-ce qu'ils sont les autres. Donc l'important pour l'utilisateur, c'est bien d'avoir toutes ces informations rapidement et au bon moment. Exactement. Alors vous êtes oui. Un cabinet de conseil, de formation et de recherche en développement. Vous avez récemment mis au point LudoGrid. C'est une nouvelle approche en termes d'analyse d'ergonomie du logiciel. Alors vous nous expliquez un peu quel est l'objectif, quels sont les avantages de ce produit? Oui, tout à fait. Donc effectivement, dans notre département de recherche, depuis quelques années, on travaille sur ce type de produits. Ce sont des grilles, des checklists, tout simplement, qui se concentrent sur les critères de base de l'ergonomie, comme ça peut être la lisibilité, la compréhension, la capacité de savoir exactement quel sera le retour de l'interface, etc. Ce sont des critères donc basés, déjà étudiés par plusieurs ergonomes. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille ces critères et on les adapte au type d'interface. Donc par exemple, on a une grille web, dont un livre blanc qu'on a écrit grâce à cet outil sortira aujourd'hui. Alors, oui, Aurore Russo, vous ne cantonnez pas qu'au seul secteur du jeu vidéo, vous travaillez aussi pour Thales Underwater System. Qu'est-ce que vous faites exactement pour eux? Donc pour eux, on travaille sur des interfaces sonar, effectivement. Donc nous sommes spécialisés dans différents types de logiciels métiers. Et pour Thales, on est, dans la partie sonar, et donc on travaille avec les opérateurs. On essaye de mettre au point des interfaces plus adaptées pour ce type de travail qui est quand même très dur, parce que pendant 8 heures, vous êtes dans une situation, dans un lieu très cloisonné, sombre, avec des bruits marins, etc. Donc, maintenir l'activité... Alors, Aurore Russo, vous développez sur la base de l'autofinancement et vous venez d'ailleurs d'ouvrir un premier bureau à Milan. Alors, quelles sont vos perspectives pour les mois qui viennent? Effectivement, donc on a choisi l'Italie. Pourquoi? D'origine, on est italienne, moi et mon associée Teresa Colombi. Donc effectivement, c'est un lieu un petit peu qui nous tient à cœur. Et il y a un grand marché, il y a ça aussi. Effectivement, ils sont un petit peu plus en retard que la France sur tout ce qui est nouvelles technologies. Donc le territoire, il est très, très vierge. Et donc dans les nouvelles prospectives, donc dans les organisations, on a par exemple l'organisation d'un événement sur le World Usability Day. C'est la journée mondiale de l'utilisabilité, c'est ça? Exactement. Eh bien, merci Aurore Russo. Vous êtes, je le rappelle, PDG de Ludotique, une start-up que vous pouvez retrouver dans 01 Informatique. Merci Élise Barbé, journaliste à la rédaction de 01. On se retrouve tout de suite sur BFM Radio avec nos invités pour poursuivre notre débat sur l'usage du futur grand emprunt et des technologies numériques. BFM Radio, 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Frédéric Simotel. Encore quelques minutes pour continuer à parler de l'usage du futur grand emprunt national avec nos trois invités, Jean-Michel Fourgousse, député UMP des Yvelines et maire d'Elancourt, Jean Mounet, président de Syntec Informatique, Olivier Midière, président de la commission économie numérique de la CGPME et Anissé Mila, journaliste à la rédaction de 01 Informatique. Alors on vient de l'entendre à l'instant d'une start-up, la Aurore Russo de la société Ludotique, elle parle d'autofinancement. Je voudrais vous entendre un peu là-dessus, Olivier Midière, sur cette partie PME. On a parlé tout à l'heure de ces problèmes d'investissement dans les PME. Elles ont du mal à investir. Alors, que ce soit des PME qui créent de l'innovation, qui sont dans le numérique, elles ont du mal à trouver des portes d'entrée dans les grandes entreprises, dans certains grands contrats. Et puis, les PME plus classiques, un peu dans tous les domaines, le bâtiment, l'automobile, tout ça, qui ont du mal, elles, à investir, enfin, qui ont besoin d'investir dans les technologies de l'information. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le grand emprunt peut aider, peut les aider? Je crois que, il ne faut pas mélanger les deux, déjà. Donc, on parle soit d'investissement de start-up qui ont besoin de se développer. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils qui existent déjà aujourd'hui. En ce qui concerne les PME traditionnelles, le président de la République a fait des annonces il y a très peu de temps sur des dispositifs pour les aider à acquérir des fonds propres et des quasi-fonds propres qui nous semblent être sur la très bonne voie. Donc aujourd'hui, il y a un problème d'accès aux nouvelles technologies des PME traditionnelles, qui est un problème plus culturel qu'autre chose, et qui, c'est vrai, grève leur compétitivité. Donc je ne crois pas, de notre sens à nous, la CGPME, toujours avec cet objectif d'investir sur des secteurs qui vont permettre de se développer sur des marchés, je ne crois pas que ce soit le grand emprunt qui va résoudre ce problème. Je pense que c'est simplement dans les politiques gouvernementales traditionnelles qu'il faut mettre beaucoup plus d'argent dans le budget de fonctionnement de l'État, hein, sur ces sujets. Jean Monnet l'a rappelé, il y a un programme qui s'appelle Ticket PME 2010, qui est un programme absolument... très intéressant, qui est pertinent, qui arrive à maturité. Il faut investir plus d'argent qui existe. Donc plutôt que prendre de l'argent du grand emprunt pour, c'est que il faut flécher peut-être différemment les priorités de l'État dans un certain nombre d'actions de soutien aux entreprises et faire en sorte que ce programme dispose des moyens nécessaires. Et puis trouver de la synergie entre les programmes. Nous avons aujourd'hui la DIACT qui lance un nouveau programme pour animer les filières d'entreprises, les grappes d'entreprises. Ils vont investir 20 millions d'euros sur ce programme. Il nous semble plus judicieux d'associer les deux programmes qui sont extrêmement proches finalement, puisque pour faire tourner des réseaux d'entreprises, il faut de toute façon des logiciels et du e-business. Donc je crois que voilà, c'est pas une même problématique. Nous avons bien rappelé, nous, que s'il y a des investissements à effectuer avec le grand emprunt, c'est des investissements à effectuer par rapport à des marchés sur lesquels on va accéder. Donc dans le logiciel, pour reprendre le sujet abordé sur la mobilité, dans le logiciel, on sait qu'aujourd'hui, il va falloir aider les entreprises en termes de formation, on l'a dit, on l'a rappelé, en termes de R&D, en termes d'investissement productif et en termes de commande publique. Ce sont les outils dans lesquels le grand emprunt peut être investi aujourd'hui pour aider ces entreprises. Mais il faut qu'on cible des entreprises qui vont cibler des marchés dont on sait que demain, elles peuvent devenir des leaders mondiaux sur ces marchés. Donc que ce soit la mobilité ou autre chose, c'est surtout sur le secteur lui-même qu'il va falloir. Il y a les logiciels, il y a l'électronique, il y a l'électrique, il y a l'Internet, bien entendu, les télécommunications et les services. Ces secteurs sont phares parce qu'ils se retrouvent au cœur, en fait, de toutes les innovations qui, demain, vont permettre d'attaquer ces marchés. Et surtout, ils ont un effet d'entraînement, on le disait tout à l'heure pour l'éducation, surtout les autres secteurs de l'économie. Le bâtiment, les services à la personne, les services aux entreprises. Et donc, on peut espérer, en ayant une innovation forte et des entreprises concurrentielles dans ce domaine, pouvoir ensuite irriguer toute l'économie. Jean-Michel Fourgous, au gouvernement, on l'entend là, tout ça, tout ce que vient de dire Olivier Midière de la CGPME, tous ces leviers de croissance, ces potentiels du numérique dans les entreprises. On a souvent l'impression que l'industrie numérique est un peu trop laissée à part. Non, mais il est clair que c'est la première fois, depuis que ça fait plus de 15 ans que je suis, c'est la première fois que j'entends un discours aussi fort sur le numérique, sur l'investissement du numérique. Donc ça y est, il y a un secrétariat d'État qui a été créé pour il ça. Il est clair qu'il y a 200, on identifie environ 200 000 emplois créés, donc une industrie du service informatique derrière, d'Internet, etc. Donc j'étais encore ce matin avec une entreprise, Thales, qui montrait bien qu'ils avaient maintenant des salles de visioconférence, d'ailleurs ce qui diminuait les frais d'avion, on est au passage. Donc je veux dire que c'est d'une transformation de la société. La société, maintenant sur la partie pépette, entre guillemets, dans l'étude, dans la mission d'Ignacio, on avait montré que le capital, c'était aujourd'hui la première, bien sûr, la première matière première. Bon, donc pour développer nos entreprises, ce secteur, il faut de l'argent. Donc on a lancé l'emprunt, mais en même temps, on a lancé le CIR, le crédit impôt recherche, il faut le dire. Il était de 300 millions quand je suis arrivé. Il est aujourd'hui de plus de 4 milliards. On s'est battu avec Pécresse là-dessus. Je peux vous dire, l'ISF PME, il ne faut pas l'oublier. Il a fallu se battre à la commission des finances pour obtenir que les gars qui payent l'ISF aident les petites entreprises. Donc ça, c'est un renforcement OSEO. On a renforcé les moyens d'OSEO en VAR. L'emprunt est ciblé aussi sur les PME. Les banques, on a fait pression sur eux. Enfin bon, c'est le président de la République. Et puis surtout, le plan de relance. Donc plein de choses qui ont quand même, pour la première fois depuis 15 ans, je n'ai jamais vu une politique d'irrigation du secteur des PME, des fonds propres. Il y a enfin quelqu'un qui a compris comment marcher l'économie de bout à bout. Avant, j'ai vu des présidents, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu un qui comprenait pas l'économie. Anissé Mida. Il y a quand même quelque chose que beaucoup de sociétés dans le logiciel, vous parlez beaucoup de services informatiques, mais je suis dans le logiciel, qui attend ce qu'on appelle le Small Business Act, qu'on aimerait bien se voir apparaître un jour en France. Parce qu'il y a toujours aussi ce problème de développement européen. C'est bien d'avoir des entreprises qui se développent. Il y a eu des pôles de compétitivité qui ont montré que la recherche, la technologie, on a ce qu'il faut en France. Après, comment on industrialise? Comment on devient une entreprise? Comment on fait une entreprise qui devient mondiale? Là, il y a toujours ce problème-là. Et je ne sais pas comment comment on y arrive. Et dernière chose, il faut aussi changer, on parlait de culture tout à l'heure, il y a un gros problème culturel en France où les entreprises investissent plus facilement dans les médias, on a les industriels investissent facilement dans les médias, mais beaucoup moins dans le logiciel. On le voit aujourd'hui, on parlait de Dassault tout à l'heure, mais aussi bien Bouygues ou que de d'autres, qui vont, il n'y a que Dassault qui investit dans Dassault Systèmes, mais sinon, aujourd'hui, les Lagardère ont plutôt tendance à investir dans les médias que dans le logiciel, alors que tout le monde est d'accord pour dire qu'en termes de perspective et de croissance, il y en a plus de ce côté-là que dans l'industrie et dans les médias. Et puis je crois, merci Anis Emida, on va passer à Jean Mounet, puis je crois aussi qu'on parlait des banques d'Oseo, mais il y a encore une certaine... Oui, il faut faire pression, mais encore plus fort. Je crois qu'il y a une vraie... De crise, je veux dire, c'est pas mal. Ouais. Jean Mounet. Alors, c'est une partie de logiciel, justement. La question de l'édition de logiciels, je crois que c'est une question très stratégique, parce qu'au fond, les logiciels ou les logiciels sont au cœur des systèmes d'information. Donc, si on maîtrise ça, on maîtrise beaucoup de choses, quand même. Alors, si on fait un bilan très rapide au niveau mondial, sur les 15 premiers chiffres d'affaires du logiciel, il y a 14 Américains et un Allemand qui a SAP. Mm-hmm. Hein, c'est comme ça. Donc, on pourrait se dire, c'est mal parti. Cela dit, il y a quand même des acteurs tout à fait majeurs qui se développent. En France, il y a Dassault Systèmes, effectivement, qui est un très grand. Et puis il y a les Français, Business Object, bon, qui était déjà un peu américain, mais qui a été racheté. Il y avait ILOG aussi, ILOG, qui est une belle société rachetée par IBM. Il y a des sociétés comme une société que je connais bien, c'est une filiale de mon groupe qui s'appelle Axway, qui est un des leaders mondiaux. Il y a Cegid. Il y a des sociétés comme AvantQuest, par exemple, dans notre type de logiciel. Donc il y a des pépites, incontestablement. Et puis, il y a un exemple qu'il faut méditer. L'exemple qu'il faut méditer, c'est Israël. Parce qu'Israël n'est pas un pays énorme. Et Israël a mis le logiciel comme vecteur stratégique depuis pas mal d'années. Et ils ont pris des décisions majeures sur le logiciel, en particulier un programme d'investissement qui s'appelle Yosma, si je me souviens bien, qui est un co-investissement public-privé, où l'État met un ticket, le privé met le même ticket, et si la société grossit de manière très très sensible, l'État s'engage à revendre son ticket au privé qui a investi avec une très forte, un très fort intérêt pour le privé. Mmh. Et Israël, aujourd'hui, a développé une industrie du logiciel qui est tout à fait comparable avec des grands du logiciel, comme Amdocs, comme Convergys, etc. Et même dans la sécurité. Et dans le monde de la sécurité aussi. Hein. Or, Israël n'a pas des moyens considérables. Mais ils ont ciblé le logiciel comme vecteur de déploiement. Et je crois que c'est important d'avoir ça bien présent à l'esprit. Et nous, en France, on le voit à travers le Syntec, où il y a une grosse partie des membres de Syntec qui sont dans l'embarqué. Alors, effectivement, on a beaucoup de choses. Il y a deux technologies qui me paraissent clés. Il y a la mobilité, effectivement, où la France est très, très bien positionnée. Hein, la mobilité, bien mieux que les Américains, par exemple. Hein. Et puis, l'informatique embarquée. L'informatique embarquée, c'est probablement une grande partie de l'avenir du logiciel. Parce qu'aujourd'hui, l'informatique embarquée, il y en a partout. Il y en a évidemment dans les avions, dans les voitures, dans les téléphones mobiles, etc. Demain, il y en aura partout. Il y en aura dans votre pantalon, dans votre chemise. On appelle l'Internet des objets. L'Internet des objets. Et là, il y a des entreprises françaises qui sont très bien positionnées. Et il n'y a pas l'Oracle, le Microsoft, le Google de l'informatique embarquée aux États-Unis. On parle aussi Nathalie Sclumorizzi a d'ailleurs mis dans son plan de relance des plateformes Internet, et puis il y a les serious games, les jeux où il y a aussi des acteurs français. Moi, je crois, si vous voulez, pour conclure là-dessus, je crois qu'il est difficile de décider que demain on va avoir le Google comme ça, ou le Microsoft comme ça, ou le SAP comme ça. Je crois que notre travail à tous, et notamment des politiques, c'est de rendre la terre fertile, c'est-à-dire d'avoir un terreau très fertile avec ce qu'il faut pour que des pousses qui sont en bonne santé puissent se développer très vite. Et c'est ça, vraiment, c'est avoir cette terre fertile qui est notre responsabilité. Eh bien, ce sera le mot de la fin, cette terre fertile. Merci à tous pour vos interventions brillantes sur BFM Radio. J'espère qu'on a donné aux auditeurs une vision plus claire de ce que l'on peut faire, de ce futur grand emprunt au niveau des technologies numériques. Merci à nos invités, Jean-Michel Fourgousse, député des Yvelines, maire d'Elancourt, Jean Mounet, président Syntec Informatique, Olivier Midière, président de la commission économie numérique de la CGPME, Anis Emida, journaliste à la rédaction de 01. Si vous avez manqué le début d'émission, elle est en podcast sur bfmradio.fr. À la semaine prochaine. BFM Radio, 01 Business, avec la rédaction de 01 Informatique. 01 Business, avec Intrinsèque, l'infogérant sans demande pour la qualité de vie des DSI.